بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيه من نجاه، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. الحقيقة الآن avec toutes ces adillah, est-ce que le port de la barbe c'est bénéfique pour toi أيها المسلم؟ لا شك ولا ريب. Tu la laisses, tu la touches pas, ta niya c'est de suivre ce prophète, t'as des adillah là, t'es récompensé. Le fait de la toucher, c'est l'inverse. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهذه نصيحة مختصرة في مسألة إعفاء اللحية. النصيحة par rapport au port de la barbe. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نصيحة مختصرة للإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، نصح فيها أو رد على واحد في مسألة إعفاء اللحية. النصيحة par rapport au port de la barbe. وتعلمون أن المسلم أنه يسفرس à suivre النبي عليه الصلاة والسلام، que ça soit le port de la barbe et que ça soit quelque chose d'obligatoire أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة notre modèle c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. En tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayk bi hadha an-nur, hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadha al-Qur'an. Fayajib alayna ma'rifat qadra hadhihi an-ni'ma. On doit reconnaître cette ni'ma. Fala yajuz lana at-tasahul. On dit mais c'est pas obligatoire ou c'est qu'une sunna comme يقول البعض. Que ce soit le port de la barbe ou autre. Et on va voir le hukm, nous, le jugement du port de la barbe. Lakin hadha c'est mujarrad nusah avant de lire. Anna ba'd an-nas yatasahalun. Yatasahalun. Ba'dhum il est clair, il te dit, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que tu fais que l'obligatoire? Ça serait mas'alat mal si on te dit, matalan, je te passe deux sommes, 100 euros, 1000 euros. Tu choisis laquelle? Là, chaque tu vas choisir les 1000 euros. Tu vas pas dire, là, je prends le minimum. Lil asaf. Dans notre din, ba'dhum, ils ont ce principe. Ils veulent que le minimum. Hatta ba'dhum, ils demandent, des fois, ils disent, mais est-ce que c'est obligatoire? Hayka Allah, il veut faire que l'obligatoire. Al-shaytan, il ne te laissera pas. Si tu as ouvert ce bab, même l'obligatoire, tu le toucheras. Un jour, tu délaisseras même certaines obligations. Ba'dhum, il délaisse, il te dit, mais ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. C'est obligatoire, mais ça ne fait pas sortir de l'islam si je délaisse. Tumma, tumma, tumma, tadarruj, tadarruj. لا تتبعوا خطوات الشيطان قال جل وعلا تدرج تدرج وربما يدلس الدين كومبليتمون. فالتمسك التمسك هذه السنة النعمة، ولا تنسى أن الجنة درجات، الجنة سي دي دوغري. plus tu fais plus tu t'efforces plus تجتهد تي sincère إن شاء الله t'espères monter en degré. أما se contenter toujours du minimum ربما يوم من الأيام même ce minimum tu le fais plus. فنقرأ كلام هذا الإمام الرد على هذا الشخص qui prétend que la barbe c'est pas obligatoire etc. نقرأ كلامه إن شاء الله نضيف إليه بعض كلام الأئمة حتى سوى إن شاء الله le but c'est que ce soit une nasiha à nos frères musulmans في هذا في هذه المسألة لبورد لابا. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يسد أن هذا الرجل إلى بروباجي دون أن جورنال قال مما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره. هذا النص هذا منحرف. Et il prétend à المسلم il doit prendre soin de son apparence. ولا شك هذا أن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم il prenait soin de lui. Et كم من سنن on a pour prendre soin de ton apparence. لكن pas avec la معصية. C'est ce qu'il va lui démontrer sur une base. أما هو الآن il pense que prendre soin de son apparence c'est toucher à la barbe. والله هذا سمن الانحراف لأن الخير لبا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بل ça c'est une porte ouverte الفتنة أو عذاب. قال ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره. Il doit prendre soin et التهذيب c'est مثلا هذب مكتبتك ستورانج تن prends soin. هذا التهذيب. فهو الآن يكونسي المسلم يهذب شعره أي يتوش أصابع. قال ويقص أظفارة أو أظافرة فهذا معروف حديث أبي هريرة الفطرة خمس معروف. قال ويتعاهد لحيته هذا et ça ça montre la gravité d'écouter أهل الباطل. أهل الباطل يبتسيت دي شوز حق يهذب شعره. نعم ça peut être حق أي la moustache تهذبها tu la laisses pas pousser. نعم كذلك tes cheveux كذلك les aisselles tout ça c'est حق تايي سيزون c'est حق. ثم يسد الباطل ويتعاهد لحيته قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن on peut citer des adillas sur تهذيب شعر الشارب les aisselles الإب tout ça. نعم أما اللحية من أين جاء بهذا؟ قال فلا يتركها شعثاء مبعثرة دون تشذيب أو تهذيب أي لا laisse pas pousser هكذا. Pour lui, pour هذا الرجل le fait de laisser pousser sa barbe c'est pas une belle apparence et c'est un كلام خطير في الحقيقة لأن الأنبياء والرسل ils laissaient pousser leur barbe. أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم il laissait pousser sa barbe. Il avait une très grosse barbe, alayhi salam salam. Ashab Rasulillah sallallahu alayhi salam. Le Nabi sallallahu alayhi salam, il les a qualifiés de afdal al-qurun. Khairun nas. Après l'anbiya, c'est eux. Allah subhanahu wa ta'ala radia anhum. Wassabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar. Wallazina attaba'ouhum bi ihsanin radia allahu anhum wa radu an. Hada l'an, son kalam, il est grave, il implique des choses très graves. Qala ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال. أي il la laisse pas pousser حتى ça fait peur aux enfants. من أين هذا؟ Est-ce que les enfants de Sahaba, بل les enfants du prophète صلى الله عليه وسلم, la barbe de leur père elle leur faisait peur؟ Est-ce que ce مجتمع الطيب الذي نصر الله به الإسلام, أي مجتمع الصحابة, est-ce que ça faisait peur aux enfants؟ أبدا. الرجل تأثر بالغرب. الرجل تأثر بأهل الضلال والانحراف. لهذا الفطرة تغيرت. الآن pour lui, si tu laisses pousser ta barbe, ربما ça fera peur aux enfants. نبشرك بالعكس. Quand on était à Dammaj, ولله الحمد, les enfants qu'ils ont grandi هناك, et vous avez vu هذا أنتم, أن tellement qu'il avait l'habitude de voir des frères باللحية, avec la barbe. Tellement que ces enfants, ils avaient l'habitude quand ils sortaient de voir un nisa بالحجاب. Quand on est sorti à Sana'a, كثير منهم, au départ, ça les dérangeait جدًا. Il avait l'habitude. Il voyait واحد, la barbe rasée, il استغرب. Ou une femme qui a pas le hijab الشرعي, تتعجب. هذه البنت أو هذا الولد. Ça dépend l'enfant sur quoi tu l'éduques. C'est clair que cet enfant, si autour de lui il n'y a que des rasés, et il grandit à هذا الحال, le jour où il voit un frère, خاصةً avec une belle barbe, نحن on dit une belle, لأنها في الحقيقة زينة. روية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سبحان الذي زين الرجال باللحى. نعم الأثر فيه ضعف لكن الواقع سي هذا انه سي زينه للرجل اي والله les enfants s'ils sont élevés dans une famille où que le père il a la barbe le frère il a la barbe l'enfant il s'habitue بل ça devient le contraire il est étonné quand واحد يبورت با لا بار فسا حجه لباطله كل ما بني على فاسد فهو فاسد قال وتفزع الرجال هذا كلام فارغ قال فكل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده هذا كلام باطل سين ريغل باطله سي سا كونتردي النصوص il veut montrer une règle فكل شيء زاد عن حده اي si tu dépasses les limites dans une chose cette chose elle a l'effet inverse لكن نحن لو دي ما هو الحد سي كو الحد في اللحيه سي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ففي الحقيقه لو كلام صار رد عليه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الكلام صار رد عليه لانه يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم اما employer cette règle et contredire le sens c'est un كلام باطل قال فمن الشباب من يظن ان اخذ اي شيء من اللحيه حرام هذا القول الصحيح كما سياتي هو الان يرد على الشباب اي المتمسكين للاسف مثل هؤلاء المشايخ لماذا لا يردون على اهل الباطل لماذا لا يرد على الفساق المتشبهين بالكفار تشوف كثير منهم دائما يلمز ويغمز في المستقيمين هؤلاء leur اسوه النبي عليه الصلاه والسلام اي اون فا ديمونتري الادله ان هؤلاء leur قول صحيح فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فبيننا وبينكم الدليل اما هذا يبريتون الان ان ceux qui disent qu'il faut pas toucher à la barbe c'est pas sahih نحن دي لانفيرس فلماذا on prendrait ton قول et on prendrait pas le nôtre entre nous et celui qui contredit الدليل نحن لماذا on a choisi cette nasiha الطيبه de Cheikh Ibn Baz ردا على هذا الرجل لان كثير من الناس ils ont ce فكر il dit مثلا لا le fait de délaisser la barbe c'est pas sahih نحن lui dit délaisser la barbe c'est sahih pourquoi on prendrait ton قول et on prendrait pas le nôtre Il reste un hal, le verset qu'on a cité. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ C'est l'iman بالله. Il y a un آخر, t'es un mu'min. On revient à قال الله, قال الرسول. Je délaisse mon قول, tu délaisses ton قول. On étudie la mas'ala et on revient au haq. Et c'est ce qu'on va faire dans cette kalima بإذن الله جل وعلا. قال فَنَرَاهُ يُطْلِقْ لَهَا الْعِنَان حَتَّى تَكَاد تَصِلْ إِلَى سُرَّتِهِ أي يدي بعض الشباب يدي للسماء وربما أرطن لنيفو دو سنومغل دو سنومغل أين الإشكال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سباب التي كبيرة جدا حتى كنت ليزة في الصلاة par derrière il voyait sa barbe bouger ça montre qu'elle était elle était très grande très grosse épaisse عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه روي عنه أن سباب elle couvrait sa poitrine il avait une très grosse barbe علي رضي الله عنه وكثير من الصحابة فأين الإشكال قال ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف حقيقة هذا سان كلام الطعن شديد يكون طه هؤلاء أصحاب الكهف أي إذا سيتي لبقسي أنهم قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الرعب سي لابور أي توري في لتا دو أصحاب أهل الكهف لو مظهر يفزي بور يكون طه المستقيمين سو كابليك سو واجب ست سنة اللي كومبارا هؤلاء صلى الله العافية هكذا الضلال هكذا الانحراف هكذا celui qui s'accroche pas aux adillah الآن هذا الرجل il a مقصد il veut faire plaisir à des personnes à une catégorie de personnes et il pense que هكذا il va نصر الدين هكذا il va avancer comme on a vu أمس la kalima qu'on a fait sur le affaire de Omar نحن قوم أعزنا الله بالإسلام هذا الآن il a pas compris cette مسألة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الآن compare le كلام de هذا الرجل vous avez remarqué qu'il est fondé sur aucun dalil c'est du كلام فقط c'est son avis وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس مرفوعا الآن compare avec كلام الإمام إمام عصره إمام المسلمين في زمانه وإمام أهل السنة في زمنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تأمل الآن سو كلام la douceur qui va avoir الأدلة un كلام très simple et tu sens quand tu lis أنه il veut le حق قال الشيخ عبد العزيز ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة وإباحة التشذيب أو لتشذيب اللحية وتقصيرها رأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه كلامه أساس موقف أهل السنة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الشيخ عبد العزيز بن باز إلى القدرة إمام إلى العلم كذلك إلى entendu son كلام إلى accepté عند المسلمين فالحمد لله لا فسد مصيحة قال وفقه الله انظر الرفق مع أنه هو son كلام إلى تشديد حتى dès que tu lis tu sens que كأنه يسمك لكن هذا الإمام il répond pas par une seyya. Il ne répond pas par du char. Non. Il répond par rif ou ilm. Et ce qui fait la différence, c'est l'ilm. Et les gens, ils veulent l'ilm. Qala, waffaqahu Allah min al-khata al-azim wal mukhalafa al-sariha li sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad thabata anhu. Al-an, il va commencer, il rut. Vous allez voir que il ne va pas parler de lui. Il va citer des hadiths, des versets. Et nous, inshallah, on va compléter avec kalam ulama akharin. Hatta c'est complet. Faqad thabata anhu صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أنه قال قص الشوارب واعفوا اللحاء الحديث اللي في الصحيحين الآن celui qui veut polémiquer entre guillemets هذه المسألة نحن on lui dit أولا ne parle pas avant l'istidlal لأن ربما tu vas dire des كلام graves مثل هذا الرجل. Tu vas prétendre que ça ne fait pas partie du dîn, tu vas prétendre que, comme ils disent, c'est vous, vous avez emmené un nouveau dîn, c'est vous. Là, le kalam peut être affaire. Ce que tu reproches, Rubbama, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Est-ce que tu reproches au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? La chèque, il va dire là. Enfin, on lui dit, intabih min al-bidaya. Étudie le sujet, tout ma part. Al-an, premier dalil, qassu shawarib. Al-shawarib, c'est la moustache. قال وعفو اللحى قال الإمام النووي نقرأ كلامه الإمام النووي تعلمون أنه إمام رحمة الله عليه قال في شرح صحيح مسلم أبخى بقصيتة أدلة قال وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ومعنى أوفو لأنه يبلزغ رواية يا من الروايات يا أعفو وأوفو وأرخو وأرجو وأوفرو tout ça fait as-sihah wa-sunan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam plusieurs mots في الحقيقة ça a tous la même معنى قال وكان قال وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى أي c'est des synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire? قال كلها ومعناها كلها تركها على حالها. Ça معنى أعفو تركو أوفرو tout ça c'est du معنى أي تركها على حالها. Tu la délaisses comme elle pousse un peu, tu délaisses. Elle pousse plus d'un côté que d'un autre, tu délaisses. Tu la laisses à Hakada. Elle pousse beaucoup, elle couvre ta poitrine, tu laisses. Amrul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre. Wa ma kana rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Fala taqtar bi kalam mithla hadha ar-rajul. Il te fait croire que c'est pas grave. Là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné et si tu khalif son ordre, on t'a cité quelques adillah. C'est grave de khalif son ordre, alayhi salatu wassalam. Tout ma qal, Cheikh Abdel Aziz, ba'd dhalik, qal wa filaf, qassu shawarib, wa affiru al-liha, khalifu al-mushrikin. Ça te montre une des causes. Ta'lamoun anna l'ahkam, laha ilal. Kathir min al-ahkam, laha ilal. Une illa ou plusieurs. Ay, ahouk, maintenant fais telle chose, ou délaisse telle chose, tout ma nabi sallam, il te cite la cause. Une des causes, c'est mukhalafat al-mushrikin. Ila yawmina hadha al-mushrikun al-yahoud wal-nasara wa ghayruhum, ils sont connus pour ne pas laisser pousser la barbe. Bal, cette barbe l'an, khasatan à notre époque, c'est devenu un signe de celui qui s'accroche à son dîme. On a dit un signe faqat, il faut des autres choses. Qala, wa fi riwayat muslim an abi huraira radiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala, أو قال جز الشوارب أي قص قال ورخ اللحى خالف المجوس صحيح مسلم قال ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى وتوفير الأمر الصريح نعم قال وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب. المصيبة الآن كما تعلمون الناس العكس, c'est العكس. بعض الناس ينتقد celui qui délaisse pour ses abats, il dit là ça fait pas partie de notre dîne, ou t'exagères, ou ثم هو يسغاز et il laisse pousser sa moustache او تشبه بالكفار. Ils font des, ils ont des harakats l'an hum. Ils ont des harakats fi hada. Ils ont des styles, ils ont des adjaib. Nous on lui dit, est-ce que c'est wajib hada? Bel c'est une mukhalafa li hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel c'est tashabbuh bil kafirin bi a'da' illah. Fa kayf tantaqid alayna? On suit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et anta tu t'autorises des choses. Qui c'est qui t'a dit maintenant de laisser pousser ta moustache? Nahnu ba'dhum يديز ينتقد عليك pourquoi tu laisses pousser et انت tu tailles ta moustache. Et on appelle هنا ان الصواب والافضل c'est de tailler, pas de la raser complètement. نعم, et ce sujet il sera traité dans une autre kalima inshallah, لان détailler ça prendra du temps. المهم on taille notre moustache et on laisse pousser notre barbe. Et هو ينتقد, il dit mais vous exagérez, etc, etc. Maintenant on peut lui dire la même chose, pourquoi tu te rases et tu laisses pousser ta moustache? On lui dit pourquoi tu laisses pousser ta moustache? La haqiqa il a inversé. Ce qui doit être touché, il ne le touche pas. Et ce qui doit être laissé, il le touche. Hakaza celui qui khalif hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le munkar, ça devient ma'ruf. Et le ma'ruf, ça devient munkar. Qala, fa fi hadith al-ahadith al-sahiha, al-amru al-sarih bi-i'fa al-liha, wa tawfiriha wa irkha'iha wa qas al-shawarib, mukhalafatan lil-mushrikin, wal majus. C'est quoi l'illa? C'est mukhalafat al-kuffar. Et on va voir qu'il y a des autres causes. Qala, والأصل في الأمر الوجوب, c'est une règle. الأصل, la base. أخي الكريم, si tu veux comprendre ton din, essaye de faire des efforts dans l'ilm, tu comprendras ce genre de usul. علماء الأصول, ils te montrent la base dans un ordre, c'est que c'est obligatoire. Ça c'est une règle. Enfin, quand tu as un verset du Coran ou un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم et il y a un ordre, مثلا أقيم الصلاة, c'est un ordre, c'est obligatoire. الزكاة وآت الزكاة, c'est obligatoire, c'est un أمر. بل التوحيد وعبد الله, c'est un ordre. ولا تشرك به شيئا, tout ça, ça te montre le wujub. Sauf si un autre dalil qui montre que c'est pas obligatoire. Et هذا ça arrive. النبي صلى الله عليه وسلم, un ordre, ثم un autre dalil il montre que maintenant il n'a pas fait cette chose. Ça te montre que cet ordre, c'est l'istihbab. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé cette chose pour te montrer que ce n'est pas obligatoire. Tout ça, on l'a étudié avec nos frères, walillahi alhamd, dans les livres de Usul. Al-Usul min ilm Usul. Et on a déjà parlé de cette règle kathira. Hada. Fal'an, si on revient à notre hadith. Qala alayhi salatu salam, qussu shawarib. C'est un ordre. Tu dois tailler ta moustache. Qala wa arkhu. Qala u'fu. Tout ça, c'est des ordres. Fa bi ay haq. Tu contredis ulama al-islam, tu contredis sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ben on va voir des adillah min al-Qur'an, et tu dis que ce n'est pas obligatoire. Bel, al-rajul hada, il n'a pas dit que ce n'est pas obligatoire. Bel, il a montré que ça faisait peur, il a montré. C'est un kalam khatir, dit-ten. Dit-ten. Inna al-rajul la yatakallam bil kalima, la yulqi laha balan tahwi bihi bin nar 70 kharifa, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd al-nas, il ne pèse pas ses mots. Une kalima, imma il veut faire rire, imma il veut se montrer, ou autre chose. Al-Muhim, il pèse pas ses mots, cette kalima, elle le pousse en enfer, il descend en enfer 70 ans. Kalima. Attaqullah. Celui qui ne sait pas, il dit Allahu A'lam. Et travaillons notre niya. Le but c'est le haq. Ne rejette pas directement. Celui qui te parle de ce sujet, le port de la barre, si t'es un musulman, t'aimes ton prophète, dis-lui, moi je veux savoir l'avis du prophète sallam. Et on te cite ces adillah. Et des autres, on continue. قال والأصل في الأمر الوجوب فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب. Comme on a dit. Alors, celui qui nous dit que la barbe n'est pas obligatoire, nous on a cité nos adillah. Hadith ibn Omar, radiyallahu anhu, et avec le, au fur et à mesure on citera des autres. Alors, Hadith ibn Omar, on a un ordre. Et nous on sait que la base dans l'ordre, c'est obligatoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse pousser ta barbe. Et même en langue française, quand il y a un ordre, c'est que tu dois le faire. Tu dis à ton enfant, maintenant, laisse telle chose. Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Fa limadha, quand c'est qu'à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'as le choix. Tanaqud la yajouz. On continue. قال فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك دليل على جواز قصها وتجذيبها وعدم طالتها. نعم. الآن يفون دليل. أي هذا الدليل؟ نحن لا نتخوفي. شغل ما زال لا نتخوفي. celui qui trouve, il nous informe. Il trouvera pas أبدا. فلهذا تتخوف العلماء. Ils interdisent de se raser la barbe. كما سيأتي معنا. وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. On l'a cité le dalil. النبي صلى الله عليه وسلم, parmi les choses qu'il nous a donné, montré qu'on ne doit pas délaisser, le fait de ne pas se raser la barbe, ne pas toucher à sa barbe, mais la laisser pousser. Ça fait partie de sunnat du Nabi صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. Tu veux la guider? Obéis au prophète صلى الله عليه وسلم. Peur de la barbe et autre. C'est ça طريقة الهدى. أما contredire, ça te fait que du mal. وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Tu veux الرحمة? En tant que musulmans, on recherche tous ça. On recherche tous ça, qu'Allah nous pardonne. Parmi les choses, parmi les causes, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَطِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. En fait, avec tous ces adillas, est-ce que le port de la barbe, c'est bénéfique pour toi, ayyuhal muslim? La chaque wala raïd. Tu la laisses, tu la touches pas, ta niya c'est de suivre ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as des adillas l'an, t'es récompensé. Allah est récompensé. Le fait que tu la laisses, t'es récompensé. Le fait de la toucher, c'est l'inverse. C'est haram. Thumma il a cité des autres adilla nakhtasir. Thumma qal wa qad ihtajja al-Sheikh Muhammad. Aïe Sabouni hada. Ne pas confondre avec Sabouni min a'imat al-Sunna, celui qui a écrit Aqidat al-Salaf. Là, Sabouni l'ancien, il est mort il y a des siècles. C'est un imam min a'imat al-Sunna. Amma hada Sabouni, c'est un mu'asir. أظن إلى يفيون عرب سعودي الشيخ بن باز رد عليه كثير من العلماء إلى انحرافات كثيرة. احتج الصابوني هذا المذكور على ما ذكره بما رواه الترمذي عن أبي هريرة لأن نحن نبدي لا بسيطة أدلة لأن الشيخ بن باز وديبار إلى سيطة كلام مختصرا لكن في الحقيقة إلى سيطة دليل إلى سيطة دليل ضعيف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. هذا حديث ضعيف. قال وهذا الحديث ضعيف. ستمتخ أخي الكريم أن الاستدلال il est fondé sur deux choses. صحة الخبر أولا ثم الاستدلال que le hadith soit à sa place. الآن الحديث il est à sa place لأنه ça parle de l'lihya لكن il manque la première condition, il est ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais touché à sa barbe. فهذا الحديث que l'imam Tirmidhi l'a rapporté à Nabi Huraira il est ضعيف. لماذا قد يقول قائل pourquoi vous dites qu'il est ضعيف؟ قال الشيخ عبد العزيز وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع. Il serait صحيح on aurait dit سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم il a touché en longueur et en largeur, on aurait touché. لكن il n'est pas صحيح. On n'a pas le droit d'appliquer un حديث ضعيف. قال ولكنه غير صحيح لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متروك الحديث. الحديث اللي شديد الضعف متروك الحديث فبيقول العلماء يزودوا لي سو حديث العلماء يزودوا لي سيدي متروك فالضعف اللي شديد فالعلماء يزودوا لي سو حديث الا الجهال اصحاب الاهواء يسيت مثل هذا الحديث لان سا كوريسبون ا سون افي ربما يسكن ضعيف لكن الاهواء. ثم رحمه الله عليه الى ف un دعاء الى كونكلو الى سيتي دو تخوا شوز لكن نكتفي بهذا. قال الشيخ عبد العزيز وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين. علماء السنة والله بخير الأمة. والله نحن في الحقيقة تلس on parle aux musulmans maintenant qui sont éprouvés par cette معصية. Tu laisses pousser ta barbe ou tu la tailles ou tu la rases. حقيقة نحن ça va rien nous changer à notre vie. والله on veut votre خير. الشيخ عبد العزيز الآن يفعل الدعاء. أما الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه il est mort il y a une décennie. Et il sera jugé يوم القيامة sur ce qu'il a fait. Et moi je serai jugé. Et toi tu seras jugé. لكن il fait du'a les muslimin. لأنه يفعل خير. أما celui qui t'encourage à te raser. Ou il se moque. والله il veut pas ton bien. Et يوم القيامة il te sera d'aucune utilité. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وكمبلت هذه الكلمة بكلام بعض الأئمة منهم قول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. يسيت فائدة أن في الحقيقة الأمر بوجوب إعفاء اللحية والدليل على تحريم حلقها الحقيقة موجود حتى في القرآن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتدبرون القرآن. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه قال ليس أمر النبي بإعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها. لأدلة كنا سيتي حديث ابن عمر خاصة كلا سيتي الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ العثيمين يتمدخ أنه لا يوجد هذا دليل إذا عادتنا الدليل. قال بل يحرم حلقها بالقرآن، ومن أبين الأدلة على هذا قول الله عز وجل الذي نقل لنا فيه قول إبليس اللعين، أي في القرآن الله سبحانه وتعالى يغطق لبغل دو إبليس، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إبليس comment il va faire أو c'est quoi son but؟ c'est d'égarer les gens parmi les moyens qu'il va utiliser. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، je vais tout faire pour qu'il déforme la création d'Allah. Est-ce que la barbe, ça fait partie de la création d'Allah? Non. Est-ce que le fait de la raser t'a déformé? خلق الله لا شك لأن الله il a créé l'homme هكذا. Et في الحقيقة parmi les différences entre l'homme et la femme cette barbe. C'est pour ça que la femme في الحقيقة si des poils ils poussent sur son visage c'est un عيب pour la femme et ça la touche. لماذا؟ لأن من خصائص المرأة c'est que son visage il n'y a pas de poils. Sauf bien sûr les sourcils, les cheveux, ma'rouf. Maintenant on parle au niveau de la barbe. Al-Rajul c'est l'axe. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala khalaq al-Rajul avec la barbe. Et c'est une caractéristique de l'homme. Et la femme sans la barbe. Fa'limada a changé hada. Limada, la yidouz. Bel, c'est min harb iblis alayk ayyuha al-Muslim. Qala Sheikh Muhammad rahmatullah alayk. أو on lit كلام الشيخ الألباني عن الآية. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان. T'as pas le droit de toucher, et c'est une règle et elle est مهمة. T'as pas le droit de toucher à ton corps, enlever quelque chose إلا بإذن. On donne un exemple. Prends l'exemple des poils. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé avec des poils. Que ce soit les aisselles, que ce soit les cheveux, que ce soit les parties intimes, ma'rou. T'as pas le droit de toucher sauf si c'est un délit. Mazalan, on va citer deux exemples que c'est haram et deux exemples que t'as le droit de toucher. Les deux exemples que t'as le droit de toucher, hadith Abi Huraira fi Sahih, al-fitratu khams. Il nous a montré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna la fitra cinq choses. Parmi ces choses, halqul an, aïe se raser les parties intimes. Donc, t'as un idn min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, on va pas dire, on prend le verset et on dit là, t'as pas le droit de déformer la création d'Allah, donc tu te rases pas les parties intimes. Là, il y en a, on a un idn min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre l'importance de rassembler l'adilla pour comprendre le hukm. Un dalil qui t'interdit de toucher, un dalil qui t'autorise. Ça te montre que la règle, t'as pas le droit de toucher sauf si t'as un dalil. On a un dalil, t'as le droit de te raser, ben il faut se raser les parties intimes. Premier exemple. Deuxième exemple, les aisselles. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الابط سي ليزيسيل هذا معروف دونك تونليف سي بوال هذا سي دو كا تا ان دليل دو كا اوك سي حرام لا بارب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو اللحى تا لا ريغل دو باز لو فيرسي دو قران تا با لو دو ديفورمي لا كرياسيون د الله اون بلوس النبي صلى الله عليه وسلم يتوردون دو لا ديليسي سا مونتر القوه استدلال دونك اون ا با لو اون ا با دليل. دوزيام اكزامبل لي سورسيل لي سورسيل سي من خلق الله عز وجل. تعلمون أن بعض النساء sont éprouvées par هذا. Elles se taillent les sourcils. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة الملعونة الملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'elle a le droit de toucher là? On a la règle. On n'a pas le droit de déformer la création d'Allah. En même temps, celui qui touche à ses sourcils, خاصة les femmes, لأن c'est les femmes qui font plus هذا. Voilà, robbama, on vit dans une époque, nous sommes de fitna, robbama, l'an, hatta les hommes, la maadri. Robbama, hatta les hommes, n'a'oudou billah. Lakin, c'est ma'rouf, عند النسوان, annaha elle est mal'ouna. Est-ce qu'elle a le droit de toucher? Abadan. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm, c'est ça celui qui veut le haq. Ah, mais tu suis hagada, les gens ils se rasent, je me rase. Foulal il a dit, je fais. T'as un Qur'an, t'as une sunna, t'as d'abord, t'as ammal, tu seras à la khair. Si tu peux pas, reviens à ahl al-ilm. قال الشيخ الألماني رحمة الله عليه فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه إطاعة لأمر الشيطان c'est ça la règle. Celui qui déforme la création d'Allah et il n'a pas de دليل il obéit à الشيطان et il suit الشيطان. قال وعصيان للرحمن جل جلاله نعم ثم il a cité قال ولا شك في دخول اللحية للحسن في اللعنة المذكور. On verra cette mesela من كلام الشيخ الألماني. Il va comparer la barbe avec les femmes qui se taillent les sourcils. Il va comparer à ça. Et c'est muhim. Nakra alaykum. Un autre dalil, en fait, il est qawi. Et on le cite, Cheikh Al-Albani, il l'a cité, rahmatullah alayhi. Il l'a cité fi as-sirah. Et on le cite pour compléter istidlal, Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi. Cheikh Abdel Aziz, il connaît tous ces adillah. Il aurait pu détailler, il aurait pu écrire un livre dans ce domaine. T'as la monde, c'est un imam. Lakin, al-ulama. Ahyanan yansah avec un dalil, deux dalil, ça suffit. C'est pas obligé qu'il cite tout. Lakin, nous, vu que le sujet est important, on rajoute. Qala, Cheikh Al-Albani cite hada ad-dalil, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kataba ila Kisra. Malik al-Furs yad'ouhu ila l'islam. Ma'rouf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une lettre à Kisra. Malik al-Furs, il est perse, le roi des perses. Kisra. قال فلما قرأ كتاب رسول كتاب لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه tout ça c'est في الصحيح la première partie elle est في الصحيح après c'est خارج صحيح لكن c'est ثابت quand il a reçu la lettre du prophète صلى الله عليه وسلم il l'a déchiré l'information elle est venue au prophète صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق ils ont déchiré la lettre du prophète صلى الله عليه وسلم Alors que le Nabi sallam, il leur veut le khayr, il les appelle à l'islam. Un Nabi sallam, il a fait du'a an Allah yumazziqhum, kulla mumazziq. Et mazziqahum Allah. Kisra, il est tombé, son royaume, il est tombé. Bel as-sahaba, après la mort du prophète sallam, ils ont envahi la Perse et c'est devenu une terre d'islam. Allah subhanahu wa ta'ala stajaba lil Nabi sallam. Thumma, Kisra, kataba ila amilihi malikul Yaman. Kisra, il a écrit une lettre à un de ses représentants, Malik al-Yaman, c'était pas encore des musulmans, et il lui a demandé d'envoyer deux personnes vers cet homme, à notre prophète Mohammed alayhi sallam. Il a envoyé ces deux personnes pour parler au prophète alayhi sallam. Ils ont mis de la pression. Ils ont dit à Rasoul, Emma, tu nous suis, Emma, Kisra, il va t'envahir, il va te faire. Le Nabi sallallahu alayhi sallam, il a fait deux as, ça a suffi. Al-Shahid, c'est que ces deux hommes, دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما. Ils sont entrés chez le prophète صلى الله عليه وسلم, ils avaient la barbe rasée. C'était من عاداتهم. C'est pour ça que Nabi صلى الله عليه وسلم, il a démontré لا تتشبه بالمشركين بالمجوس. Et هؤلاء c'est des مشركون. من عاداتهم ils sont rasés. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نختصر نعم وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفي شواربهما. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont rasés la barbe et ils ont laissé pousser leur moustache. Al-Haqiqa, c'est une sourah mukhziya. Wallahi, celui qui a la fitra, al-Haqiqa, lama yishuf hada al-manzar, mais là, il retah. Celui que sa fitra l'a tourné, c'est l'axe. Il voit un rasé, il est murtah. Il voit un frère, khasatan, une belle barbe, une grosse barbe. Rubbama, ça le dérange. Mais là, al-fitra, c'est ta fitra qui a été touchée, akhil karim. Fait du'a. Qala, fakariha al-nazar ilayhima, thumma aqbala alayhima. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus, kariha, il a détesté cette sourah. Est-ce que, akhil karim, t'es un musulman? Parda hada li nafsik, anna ta sourah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il la déteste, et ton apparence. Qala, thumma aqbal alayhima, faqal, waylakuma, man amarakuma bihada? Waylakuma. Al wayl, c'est le malheur. Malheur à vous. Est-ce que l'un, avec ce dalil, tu continues à dire que le port de la barbe, c'est pas wajib? Et se raser, c'est adi? Qala, قال أمرنا بهذا ربنا أي يقصدون كسرى أي سلو ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Rabbi, Allah azza wa jal, il m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler les moustaches. Et l'inverse de ce que vous faites. Akhil Karim, reste avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'u ma'am al-ahab yawm al-qiyama. Wa man tashabbaha bi qawmin, fahuwa minhum. Reste avec le sunnah, fiha khair wa baraka. Reste avec les fondements de l'islam, les principes de l'islam. C'est du khair. Hada. On voulait citer cette qissa pour appuyer le jugement qu'on a cité. C'est interdit de la raser et c'est obligé de la laisser pousser. On lit kalam al-ulama ala hada et on commence par les quatre imams. Ta'lamouna, les quatre imams, ils sont respectés fil l'umma et ils méritent le respect. C'est des imams de la sunna, des imams de l'islam. Et al-muslimin, kathiran, ils reviennent à ces quatre imams. Anahnu, après avoir cité les adilas, fil haqqaqa, ça suffit. Quran wa sunna, ça suffit. Lakin, on appuie avec kalam al-ulama. Hatta, plus personne n'a d'excuses. Qala, on commence par al-Hanafiyya. At-tiba' Abi Hanifa, rahmatullah alayhi. Qala ibn Abidin, al-Hanafi, c'est min a'immat al-Hanafiyya. Qala, wa yahrum ala rijal qat'a, wa yahrum ala rajul qat'a lihyatih. C'est haram que l'homme se rase la barbe. Al-kalam il est wadih. Kalam al-Malikiyya, at-tiba' l'imam Malik. وفي حاشية الدسوقي أو الدسوقي ينظر ضبط اسمك على الشرح الكبير سأليفر إلي معتمد عند المالكية قال ستمم من أئمة المالكية يحرم على الرجل حلق لحيته دونك الحنفية والمالكية بل الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي تعلمون الإمام كان لبلس تخضيه لمذهب الإمام مالك إكلا بلس بروباجي ابن عبد البر صاحب جامع بيان العلم قال رحمة الله عليه ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال il est clair في الحقيقة c'est نصيحة pour toi أيها المسلم c'est حرام et à leur époque الآن ابن عبد البر رحمة الله عليه il vivait au 4e siècle au 5e siècle de l'islam les mois de l'Égypte رحمة الله عليه il dit لا يفعله إلا المخنثون hey, que les hommes efféminés qui font هذا لماذا لأن في الحقيقة la femme parmi ses caractéristiques c'est هذا moi la poil mieux c'est معروف حتى الرجل il est attiré par هذا الرجال c'est le contraire فلماذا vouloir enlever ses poils حقيقة c'est une ressemblance aux femmes فلهذا قال لا يفعله إلا المخنثون ولا ترضى لنفسك بهذا الوصف أئمة الشافعية قال الإمام النووي الإمام النووي صاحب رياض الصالحين تعلمون إمام كبير من أئمة الإسلام وأئمة الشافعية قال رحمة الله عليه إلى إكسبيكي حديث ابن عمر كالشيخ بن باز إلى ستي قال والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا بتقصير شيء أصلا هذا كلام من الإمام النووي يدي أن لفي دو الإمام أو دو لغ مذهب قول العلماء قال أن لا يتعرض لها بتقصير إلا تايبا أي لا ديمينو إلا توش أصلا يتوش غير إلا ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى قال والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة إسساء القول الصحيح وانا بفين من إشارة إلى هذا أن لا غازي كومبليتمون سا موستاش الأفضل سي دو لا تايي tes lèvres elles apparaissent et les poils ne descendent pas sur tes lèvres c'est ça le sunnah fa l'inaya bihada hatta ba'd ikhwan ils se laissent aller bihada rubama sa moustache elle pousse hatta ça descend sur ses lèvres ça c'est mukhalafat al sunnah ala ifrat ou la tafrid est-ce qu'on a le droit de la raser hada c'est une mas'ala okhra lakin al afdal al an c'est de la tailler faqat ahsan wallahu a'lam al hanabila les suiveurs de Ceux qui suivent, ils ont étudié le madhab de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. قال السفاريني, rahmatullah alayhi, المعتمد في المذهب, حرمة حلق اللحية. Les quatre écoles de jurisprudence qui sont ma'roufs عند المسلمين, ils interdisent de se raser là-bas. Al Quran al-Karim, on a cité un verset, on a cité al-Sunna. فماذا تريد بعد هذا? ماذا تريد? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Est-ce que tu vas prendre Qawl al-Duhal et tu délaisses Al-Qur'an ou Al-Sunnah et l'avis des quatre imams? Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wa yuhram halqu al-lihya lil ahadith sahiha wa lam yubihu ahad. Sheikh al-Islam il te montre que al-ahadith sahiha, hadith ibn Umar et autres, il démontre qu'on n'a pas le droit de se raser là-bas. Tum ثم قال ولم يبح أحد أي من العلماء. حقيقة سبني أنا تخبك هذا. والله على الوقت معروف. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était clair. Sahaba, ceux qui sont venus après, hatta la période ou l'époque de nos grands-parents. Vous avez remarqué que Kathir de nos grands-parents, nos grands-pères, ils avaient la barbe. Thomas est venu avec la colonisation, avec Afkar al-Gharb, avec la télé, avec Internet, ça s'est mélangé. Kathir bin al-Muslimin ta'atharu bil kafar. Wabi zayyihim, leur apparence. Amma min qabl, abadan un homme min al-Muslimin, bel bin al-Arab, hatta kuffar Quraysh. Al-Arab, il délaissait la barbe. Ils avaient la barbe. Il l'a taillé pas. Lakin, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. On vit dans une époque. الفتن كثيرة. أولي كلام شيخ الألباني كذلك إلى كلام جميل في هذا. الديتاي. إلى كلام جميل في تمام المنة وفي أداب الزفاف كذلك. لرجل المغياج تمام المنة إلى معروف كذلك. الست ست مسألة. شيخ الألباني له العناية بست مسألة. حتى يزوج مع سأقوال في هذا. نقرأ كلامه. يدمونتر plusieurs causes. وهذا مهم. نحن au début de la kalima on a cité la haqiqa depuis le début de la kalima on a cité ces causes. Pourquoi c'est haram? أولاً parce que Allah subhanahu wa ta'ala amra bi dhalik. Ay amra bi i'fa' al-liha wa harrama taghyir khalqi 'azza wa jalla. كذلك on a cité c'est une ressemblance aux kuffar aux mushrikoun. كذلك on a cité c'est une ressemblance aux femmes. C'est ce qui va résumer un cheikh al-Albani. قال cheikh al-Albani قال ومما سبق من النصوص أي لا سيتي الأدلة كشغل البازي لا سيتي عفو اللحاء يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته avec cette condition أما celui que sa فطرة a été touché il veut se rapprocher des kuffar il a une mauvaise image de la sunna وربما il comprend pas ce كلام أما celui que sa فطرة الحمد لله elle est encore على أصلها إن شاء الله il comprendra فلهذا الحمد لله كثير من المسلمين ils laissent leur barbe خاصة في بلاد المسلمين tu le vois. Je le vois كثيرا ولله الحمد. قال أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها. C'était des points. Celui qui sa fitra elle est encore saine, il va comprendre. Il va comprendre pourquoi Allah l'a interdit et pourquoi il nous a obligé de laisser pousser les barbes. قال أولا أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب. Comme il a cité Cheikh Ibn Baz. أي في القرآن وفي السنة on a des أوامر, des ordres de ne pas toucher la barbe, de ne pas changer la création d'Allah. Donc, la base, c'est que c'est obligatoire. Celui qui nous dit que ce n'est pas obligatoire, il nous cite sa preuve. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Deuxième point. تَحْرِيمْ تَشَبُّهَ الرِّجَالِ بِالنِّسَى قَالْ وَحَلْقْ الرَّجُلْ لِحْيَتَهِ أو لِحْيَتِهِ فِيهِ تَشَبُّهُ بِالنِّسَى قَالَ فِي مَا هُوَ مِنْ أَظْهَرْ مَظَاهِرْ أُنُوثَتِهِنَّ. الأنوثة c'est la féminité. الأنثى c'est la femme. قال فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها أي مخالفة لحال المرأة. ثالثا troisièmement et c'est ce point qui est important qu'on n'a pas encore détaillé. قال il va comparer avec la masala qu'on a dit النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit بل الله il a maudit la femme qui se taille les sourcils qui touche à ses sourcils بالعربيه النامصه كذلك المتنمصه même si c'est pas elle qui fait c'est une autre femme qui lui fait فلا femme qui lui fait كذلك الملعونه وتعاونوا على ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان قال وهي التي تنتف شعر حاجبيها او غير او غير بقصد التجميل l'essentiel un c'est qu'il y a اجماع العلماء انها لا doit pas toucher les sourcils ça c'est بالاجماع قال وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن زعم حقيقة. Pourquoi la femme elle se taille les sourcils? C'est une مسألة de تجميل. C'est pour la beauté. Elle prétend هكذا. في الحقيقة ça a rien à voir avec la beauté. بل c'est une معصية. الله c'est une معصية. La معصية ça fait du mal. L'homme qui se rase la barbe. Pourquoi il se rase la barbe? Comme il nous a dit, هذا الرجل شيخ بن باز لفرض عليه, c'est pour pas faire peur, c'est pour s'embellir, c'est pour. Donc c'est la même chose. C'est pour s'embellir, c'est pour s'embellir. Si Allah il a l'âne, cette femme qui taille ses sourcils, la cause c'est s'embellir, c'est exactement le même cas pour la barbe. قال وهو في ذلك بغير يغير خلق الله تعالى فهو في حكم النامصة. صحيح. Al-hukm yadur ma'a illatih. La illa c'est la même. Il veut s'embellir, elle veut s'embellir. Il change la création d'Allah en se rasant la barbe, elle change la création d'Allah en touchant à ses sourcils. Qala وهو بذلك يغير خلق الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ. C'est quoi qui change? C'est le lafz. L'homme il se rase la barbe, ou il touche à sa barbe, et la femme elle touche à ses sourcils, ou elle se rase les sourcils. Enfin, c'est la même chose. Ça montre fiqh هذا الإمام رحمة الله عليه. قال ولا فرق إلا في اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ولا يمعن النظر إلى آخره. Donc, ma chère l'Albani, il a dit, on n'a pas le droit de faire du roulou vidhahir. On dit, là, le nas, il est venu que pour la femme. Elle se taille les sourcils. Là, le hukm, yundar al-illa. Et on a des autres adillas, bien sûr, qui appuient hada. Hada kalam, cher l'Albani, rahmatullah alayhi. Kadalik, on cite le dalil. Anna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ana, les hommes qui ressemblent aux femmes. Kadalik. Et on a montré, anna, nous se raser la barbe. C'est une ressemblance aux femmes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي صحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. Les hommes qui ressemblent aux femmes, ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك l'inverse. Les femmes qui essayent de ressembler à des hommes. الحذر الحذر أخي الكريم. والله المسألة في الحقيقة elle est pas sahla. Et c'est من الشيطان. Elle est où la faïda في الحقيقة؟ والله ساشوش تصورة عند الصالحين عند الصالحين إذا أكسبت بس تصورة لكن الله المستعان بعض الناس يظن شبهة يكون كل بهذا أن بعض المشركين ليس بوسيلة بعض من اليهود من النصارى خاصة اليهود certains leurs rabbins etc بعضهم يظن دي بعض فبعض المسلمين لين شبهة يتدي donc je dois خالف للمشركين donc je me rase. حقيقة شبهة هزيلة جدا. فلهذا سألوا شيخ العثيمين رحمة الله عليه عن هذا. سئل رحمة الله عليه عمن يقول عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحية مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث. كذلك اليهود سنقلب المشركين سنقلب توسولا. قال وهي علة ليست بقائمة الآن لأنهم يعفون لحاهم. أسك أولا انتبه quand une question est posée à un savant. انتبه quand on essaye de t'imposer une chose, on te dit les gens ils font. Il faut déjà vérifier si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai الآن أن جميع النصارى جميع المجوس جميع اليهود جميع المشركين ils laissent pousser leur barbe? Ah, peut-être. Si 1% ils laissent, on va exagérer 5%. Pourquoi tu prends les 5% et tu ne prends pas les 95%? Ça va être la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ou un des points. قال لكن moi j'ai précisé لأن j'ai lu le سؤال. Et c'est pour montrer, c'est pas chaque chose qu'on te dit, tu crois. On te dit, Matalan, tous les gens ils font ça. Toi tu dis, ah c'est vrai, ça te bloque. Là, tous les gens ils font ça, vérifie si c'est vrai. Tu vas voir, en général, c'est pas vrai. قال شيخ العثيمين جواب على هذا من وجوه. Plusieurs points. الوجه الأول أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de se raser et nous a ordonné? Le prophète sallam nous a ordonné de laisser pousser nos barbes que pour khalif al mushrikin. Là, kadalik, il ne faut pas ressembler aux femmes. Kadalik, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadalik, c'est une sunna à suivre. Et kadalik, il faut khalif al mushrikin. Là, il n'y a pas que ce point. Enfin, est-ce que si les kuffars, maintenant, demain, tous les kuffars, ils laissent pousser leurs barbes? Maintenant, est-ce qu'on va dire, non, il faut les khalif, on se rase? Là. Limadha li anna, c'est une ressemblance aux femmes. Al-an, al-yahoud wa al-nasara, maintenant, ils disent que Allah, il est fils sama. Ils disent ça. Est-ce que nous, on va les khalif? On va dire là. On ne dit plus qu'Allah est le sama. On khalif le mushrikin. N'a'oudou billah. Ça, c'est pas min al-fiqh. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, deuxième point. Anna al-yahoud wal-nasara wal-majus al-an laysu ya'founa lihahum kulluhum. Sahih. Est-ce que tous les juifs, tous les chrétiens, ils se poussent à leur barbe? Abadan. Qala wala rub'uhum. Bal aktharuhum yahluquna lihahum kama huwa mushahid wa waqi'. Sahih. Al-huq, il n'est pas à al-nadir. النادر لا حكم له يقولون الحكم اللي على الغالب ton jugement il est sur la majorité. Ça veut pas dire qu'un juif il a laissé pousser sa barbe, un chrétien il a laissé pousser sa barbe, on dit on se rase, on khalif les mushrikin. لا حكم اللي على الاغلب et là chaque année الاغلب il se rase خاصة à notre époque. الوجه الثالث ان الحكم اذا ثبت شرعا من اجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقا للفطرة او لشعيرة من شعائر الاسلام فانه يبقى ولو زال السبب. C'est une règle. On lit l'exemple. Hatta on explique, ça va être plus clair. Ala tara, kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. إلى ألا ترى إلى الرمل في الطواف كان سببه أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجلد والقوة. الرمل في الطواف c'est à l'époque du prophète sallam. Pourquoi ils l'ont fait? C'était quoi ce sabab al-illa? Annahum al-mushrikoun, ils avaient accusé le prophète sallam et ses compagnons. Ils sont venus de Medina, ils sont tombés malades, ils sont faibles. Hakad al-mushrikoun, ils ont lancé cette rumeur. An-Nabi sallam, dès qu'il a entendu hada, amara as-sahaba, et lui-même, ils ont fait apparaître leur épaule droite et à tawaf, ils se sont les premiers tours, ils les ont fait rapidement pour montrer aux mushrikoun annahum, ils sont en pleine santé. Hatta al-mushrikoun, ils les ont vus et ils ont vu qu'ils étaient en pleine santé. Est-ce que cette illa elle existe aujourd'hui? Elle n'existe plus. Al-Haram al-Makki, c'est des muslimines. Il n'y a plus de mushrikoun. Et personne n'accuse des muslimines d'être tombés malades de abadan. Lakin on le fait quand même. Al-illa zalat, lakin le hukmi reste. Fahakada, walaw, si ils disent anna cette illa, ay al-kuffar, ils laissent pousser leur barbe, le hukmi reste, ça ne change rien. Khassatan, t'as des illa al-ukhra, t'as des autres causes, ressembler aux femmes, désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ma'rouf. Ça c'est le troisième point, il est comme. قال ومع ذلك فقد زلت هذه العلة وبقي الحكم حيث رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معروف حجة الوداع après Mecca c'est devenu une terre d'islam. النبي صلى الله عليه وسلم il a continué à faire ولو سي العلة elle était plus présente. فهكذا ceux qui prétendent أن اليهود والنصارى ils laissent pousser leur barbe ont répondu à هذا القول. قال والحاصل أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول سمعنا وأطعنا. Ne rentre pas dans l'inad. La tatashabba bi al-yahoud, bi al-nasara, bi al-munafiqin. Anhum da'iman yrojet. La. T'es un muslim, demande dalil, c'est ton haq. Nahnu, on ne dit pas suis aveuglément. La. Et inshallah, cette kalima qu'on a fait, on espère avoir cité dalil, avoir éclairci le sujet. Et nos savants, alhamdulillah, ils ont éclairci avant nous. Fa anta, étudie le sujet et cite les adillah, dis sami'na wa ata'na. Et ne rentre pas dans l'inad. Et si t'as du mal au départ, ne contredis pas. Avec le dua, avec les efforts, inshallah, tu vas la laisser. Lakin, بعد الإخوان يفون خطأ, tellement qu'il a peur du hukm. Il a peur, comment je ne me rase plus? Il essaye de trouver un moyen, il rejette. Il dit, là, ça c'est vous qui avez inventé. Tu te fais du mal. Accepte le hukm. Les adillah, ils sont wadih. Et si tu as du mal au début, fais le dua. Et on demande aux frères, nahnou, qui patientent avec le muslimin, khasatan celui qui accepte, conseille-le, bref, montre-lui que c'est pour son bien. Et combien de nos frères, au départ, ils se rasent au taille là-bas. Et avec le temps, ils ont vu, wallah alhamd. Al-an, leur barbe, elle est plus grande que la nôtre. Wallah alhamd. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, qala, kama qala Allah ta'ala, innama kana qawl al-mu'minin, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, liyahkuma baynahuma yaqulu, sami'na wa ata'na. C'est ça, qawl al-mu'minin. Quand la preuve, elle leur vient, ils disent sami'na. On entend, et on écoute, et on obéit. Hada. ثم يسد كذلك قال ولا يكون كالذين قالوا سمعنا وعصينا ويلتمس العلل الواهية والأعذار. On fait pas partie de cette catégorie de personnes. Ils disent là et ils cherchent des choubas, comme on a dit, aussi fragiles qu'une toile d'araignée. Fulan il a dit, mais dans mon pays, mais ils ont fait, mais ils ont dit. Wallah, il se fait du mal. فقط. قال الشيخ ابن عثيمين لا أصل لها فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما غاية الاستسلام لأمر الله ورسوله. أنت يا مسلم المسلم يستسلم لله يسشمه توا اترك الأهواء اترك الشبهات. قال ثم يسك لا بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا المؤمن يسسم لأوامر الله وأوامر رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق إخواننا المسلمين في كل مكان, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالحمد لله سأل مقصود وست نصيحة, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء إثعابي.